pars de rien, je te raconte ça, je suis mort de rire. Je suis pas comme eux, j'aurais fait des sous avec la rue ou sans la rue. Boss bâtard face à l'arrière, la cité mieux ça plus à rien. Prends-moi pas la main, gros j'étais là, t'étais en sous-marin. Les sous-matins, t'inquiète pas, j'ai de l'essence, t'inquiète pas, j'ai le bon plan. Regarde, rêve comme un grand, gros redescends, toi t'es pas figurant. Premièrement, je vais rapper comme ça, qu'il m'aime ou pas. Deuxièmement, moi je tars comme ça, avec tout en toi, ils font pas de toi à tarer. Jusqu'au jour où tout va marcher, je m'en rappelle, on m'en délace, c'est la belle, ce qui est la masse, ah oui. Je vais te faire menacer, mais jamais on va t'approcher. Celui qui veut essayer, il a vu ta sorte. Tu tomberas sur des Madonna et des bombas et c'est comme ça. Le succès, l'argent, les contrats et les grosses sommes, c'est la vie ça. Plus de retour en arrière, ta vie n'est plus la même mais les gens ne les attendent pas. Mon pote, ouais, c'est comme ça. Je pars de rien, je te raconte ça, je suis mort de rire. Je suis pas comme eux, j'aurais fait des sous avec la rue ou sans la rue. J'en dégarde à vue, normal sur une Ferrari. Tu critiques mais t'es à l'arrêt, comment tu veux que tes frères arrivent? Oui, je suis déter, je fume des terres, je faille dans tout pareil. Vu que c'est des traîtres, quand je les vois, je préfère couper vite. Tu verras quand on s'en tire, je chanterai tous tes hits. Mais il y aura toujours des menteurs, tout au long de ta vie. Ouais, je fous la merde, nique sa mère, ah la la la la la. Je me dis qu'avec le temps, si je voulais, je serais déjà plus là. Get mon label et get mon entourage, gros. Rien n'a changé, à part qu'on a tous sorti un merco. Y'a SDB ou pas, on me dira pas la vérité. Dis-moi combien sont véritables, comment tu veux que je vérifie. Y'a rien d'intégral ici, ça savoure même plus ça pire. Ancien pote, nouvelle Pouka, allez nique ta mère de là. C'est comme ça, tu tomberas sur des Madonna et des bombas. Et c'est comme ça, le succès, l'argent, les contrats. Et les grosses sommes, c'est la vie de tout ça. Le retour en arrière, la vie n'est plus la même. Mais les gens ne les attendent pas. Mon pote, ouais, c'est comme ça. Tu tombes sur des Madonna et des bombas et c'est comme ça. Le succès, l'argent, les contrats et les grosses sommes, c'est la vie ça. Plus de retour en arrière, ta vie n'est plus la même mais les gens ne les attendent pas. Mon pote, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mon pote, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mon poteau, et c'est comme ça. Tu tomberas sur des Madonna et des bombas, et c'est comme ça. Le succès, l'argent, les contrats et les grosses sommes, c'est la vie, ça. Plus de retour en arrière, ta vie n'est plus la même, mais les gens ne les attendent pas. Mon poteau, et c'est comme ça.